Bonjour. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais déposer plainte s'il vous plaît. Très bien, veuillez me suivre s'il vous plaît. D'accord. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors je vous écoute. Vous voulez porter plainte contre qui? Je porte plainte contre l'homme, sa loi et ses normes, son képi et son arme, caché derrière un uniforme. Et l'enfoiré qui nous saigne, fait de nous des gens indignes, nous assigne et nous entraîne à cracher sur leurs insignes. Je porte plainte contre vous, vous et vos collègues, qui faites de nous des gens à part et non conformes à vos règles. Vous qui nous rabaissez, faites de nous des incultes, dis-leur de cesser, qui ont fait de nous une insulte. Et contre vos lois Sistra, tous vos magistrats, je porte plainte contre ceux qui condamnent trop long et Sistra. Et fuck le proc, gros bisous à la juge, vos prêcheurs sont des pêcheurs et adeptes de la gruge. Oh, je porte plainte, les frères vivent dans la crainte de vos photos empreintes, des bracelets et leurs étreintes. Vos potes s'en moquent, ont mis le respect de côté au champ du coq, même la rhum est volontaire. Je porte plainte, assermenté ou pas, représentant l'État, personne au-dessus des lois, car chaque personne a des droits. La foi dans mes couplets, vous m'écoutiez ou pas, vous qui gardez la paix, foutez-nous là. Oui, la jeunesse la marre, lève ta main, lève ton doigt, lève ton bras. Je porte plainte contre vos abus de pouvoir, qu'il s'agisse ou non de faire votre devoir. Je porte plainte, si seulement vous saviez, pour une cigarette à la plante, vos potes nous en font braver. C'est fou comme la vie est chiante pour ces gamins du gravier. Quand la moindre petite descente rime avec une GAV, ouais. De ceux qui foutent le spul ne sont qu'une minorité. Trop de délits, de sale gueule pour vous dire la vérité. À force de nous prendre de haut, d'agir avec sévérité, vous nous avez rendu barjots et rigides à l'autorité. Trop souvent verbalisés, vos patrouilles font baliser. Vous n'êtes pas tous dans le même sac, je ne vais pas généraliser. Vos ennemis cassent les valseuses pour un petit pilon, nous parfumer à la gazeuse. Et l'un de vos péchés mignons, à chaque manifestation, vos méthodes sont draconiennes. Vos bâtons écoutent Satan et meurtrez des boîtes crâniennes. Normal que les gens aient la haine de la peine, au final n'y comprennent rien, banal vu que les cons règnent. Assermenté ou pas, représentant l'État, personne au-dessus des lois, car chaque personne a des droits. La foi dans mes couplets, vous m'écoutiez ou pas, vous qui gardez la paix, foutez-nous là. Oui, la jeunesse la marre, lève ta main, lève ton doigt, lève ton bras. Je porte plainte contre vos abus de pouvoir, qu'il s'agisse ou non de faire votre devoir. Ah ben alors là, mais bon monsieur, c'est irrecevable ce que vous me dites là, c'est irrecevable. Et puis il faut savoir que sur le terrain, entre les refus d'obtempérer et ceux qui ont carrément pas de papier, bah tiens, j'aimerais bien voir les vôtres d'ailleurs. Vous dites que impossible n'est pas français, que moi non plus je ne sais plus quoi penser, ni sur quel pied danser, vu que je me sens intégré, faisant mon taf de citoyen. Oubliez donc mon pédigré, du petit franc ou maghrébin. La justice n'est pas la même entre François et Gader. Je porte plainte, je suis pas votre bouc émissaire, juste un émissaire venu vous contrecarrer, car vos amis ne discernent plus l'école d'une maison d'arrêt. Et messieurs, la répression n'est pas une solution, oui, tellement précaire sur vos conditions de détention et tant d'humiliation. Vos JAV foutent la frousse. Je porte plainte, il m'a dit penche-toi et tous. Mais bien sûr, à vous entendre, on vous persécute. Vous avez pas l'impression d'en faire un peu trop? Mais je dis juste que certains font mal leur boulot, trop de jeunes au bout du rouleau. Donc allez-y mollo, vu que la haine attise la haine, ça va péter un jour ou l'autre. Je porte plainte, assermenté ou pas, représentant l'État, personne au-dessus des lois, car chaque personne a des droits. La foi dans mes couplets, vous m'écoutiez ou pas, vous qui gardez la paix, foutez-nous là. Plainte, oui, la jeunesse la marre, lève ta main, lève ton doigt, lève ton bras. Je porte plainte contre vos abus de pouvoir, qu'il s'agisse ou non de faire votre devoir. Je porte plainte. Je porte plainte. Je porte plainte.